Combien coûte un internet en euros ou autre mot? Tony, tu fermes ta gueule! 100 euros, ça doit coûter à peu près. Putain, qui c'est qui m'a choisi ces auditeurs? Attends, mais je suis en train de te répondre là. On va monter. Alors tu dégages, au revoir! Ouais, Gérard, c'est. Au revoir, ta gueule! Ta gueule!